Chapitre 17. Le ciel et l'enfer des bouddhistes. Leurs idées sur la destruction du monde. Après que j'eus visité les temples des bouddhistes et assisté à leurs cérémonies religieuses, je pris avec intérêt connaissance des croyances populaires ajoutées peu à peu aux dogmes et aux préceptes de Sakyamuni. Ces mythes, qui ne manquent pas de poésie, me furent racontés de la manière suivante par un Gelung dans son langage de naïf croyant. Note, ce Gelung est un érudit parlant assez bien le russe et l'allemand. Il fut mon cicérone pendant mon séjour au Rouloul Lamaïte. La voie par laquelle l'homme atteint à la délivrance de l'âme ayant été révélée pour qu'on la suive et qu'on mène cette vie d'inaction contemplative, il fallait renoncer au monde et imiter Sakyamuni en se faisant ermite mendiant. Toutefois, quand le bouddhisme se répandit, tous les adeptes de la métempsychose n'embrassèrent pas l'état prescrit, mais tous sont restés convaincus de la nécessité de combattre les passions et les mauvais sentiments et de garder dans leur rapport entre eux et envers les animaux la mansuétude recommandée, tous les êtres créés étant des compagnons de souffrance dont il ne faut pas augmenter les peines. Le bouddhisme enseignant un monde sans Dieu, une vie sans âme, une vertu sans but, une félicité dans le néant, ne pouvait satisfaire ni l'esprit ni le sentiment et ne devint pas de prime abord une religion nationale. Après la mort de Sakyamuni, l'imagination des sectateurs tâcha de combler ses lacunes en grande partie avec l'aide du brahmanisme, malgré les contradictions qu'ils y trouvaient. Ils introduisirent dans la nouvelle religion une série d'êtres par lesquels l'âme transmigre pour en arriver au degré de perfection désiré et dont ils supposèrent les demeures dans les cieux, sur la terre et dans ses profondeurs, le ciel, le purgatoire et l'enfer. Quant au monde, ils l'envisagèrent d'une manière extraordinairement grandiose. Il y a plusieurs espèces de formes par lesquelles l'âme doit passer. Divinité, homme, monstre habitant la terre, asuras, animal, monstre peuplant le purgatoire, préti et créature des enfers. Les hommes les plus pervers, les plus grands pécheurs, renaissent créatures démoniaques et vivent dans l'enfer, situé dans les profondeurs de la terre. Là, ils sont tourmentés par les flammes, coupés avec des instruments tranchants, écrasés sous des pierres, etc. La moindre durée de leur peine est de 500 ans, chaque jour comptant comme 50 années terrestres. Le dieu des enfers porte le nom de Jama. Après avoir subi leur peine, ces condamnés prennent la forme des monstres du purgatoire. Préti. Les prétis à face affreuse sont éternellement affamés et altérés. Ils ont l'estomac d'une grandeur démesurée et la bouche petite comme le chat d'une aiguille. Note. Dante n'aurait pu mieux inventer pour punir les gourmands en leur donnant la forme des prétis des bouddhistes. Fin de note. Les animaux qui sont la troisième incarnation expiatoire sont les bipèdes, les quadrupèdes, les bêtes sans jambes ou en ayant beaucoup. L'âme passe ensuite dans les corps des asuras, monstres habitant le pied du mont Sumeru, haut de 3 millions de kilomètres et situé sur la Terre. Note, Sumeru ou Meru, montagne chimérique et l'Olympe des hindous. Fin de note. Cette montagne s'élève au centre du monde, au milieu d'une mer entourée de rochers. Le mont Sumeru est formé d'or, de cristal et d'autres métaux précieux. Derrière les rochers s'étendent encore sept mers, fermées aussi chacune par un rempart semblable. Par-delà la septième muraille s'ouvre l'océan, la mer connue des hommes, ou les quatre parties du monde peuplées par les hommes, chacune entourée de 500 îles, font face aux quatre côtés du mont Sumeru. L'homme vertueux renaît sous la forme d'une divinité. Les demeures des dieux sont dans les cieux, disposées comme les mers et les continents, en cercles concentriques, étagés les uns sur les autres autour de la magnifique montagne. Les cieux sont divisés en trois parties. La partie inférieure comprend sept subdivisions habitées par les divinités des Brahmanes. Les êtres divins ont encore des désirs sensuels, mais à mesure qu'ils montent plus haut, leurs désirs diminuent et ils deviennent éthérés. Ces différentes sphères célestes, avec la terre peuplée par les hommes et les animaux, composent le monde matériel dont le souverain est le dieu Indra, qui réside au faîte du mont Sumeru. La seconde partie de la demeure des dieux est le monde des formes, divisé en 18 cieux, subdivisés eux-mêmes en 4 gradations ou jhanas. La première gradation forme la transition du monde matériel au monde des formes éthérées. La seconde contient un millier de mondes et 1000 soleils. La troisième embrasse 1 million de mondes transitoires. Et la quatrième, 1 000 000 000. Le monde des formes est peuplé par des dieux d'une catégorie supérieure, n'ayant pas de corps matériel et que l'on représente resplendissant. Le dieu Brahma en est la divinité souveraine. La troisième partie de la demeure des dieux est peuplée par des êtres sans forme, c'est-à-dire les plus parfaits. Là, l'âme a perdu tout essence matérielle ou spirituelle. Là s'arrête la transmigration. Là est le nirvana. L'imagination des bouddhistes ne connaît pas de bornes à la multiplicité des mondes. 1000 mondes comme celui qui vient d'être décrit forment le royaume d'un Bouddha. Mais comparés à ceux qui existent encore, ils ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Il y a donc d'innombrables mondes et d'innombrables Bouddhas. On reconnaît 4 Bouddhas ayant régné sur la terre avant Sakyamuni. Celui-ci régnera pendant 5000 ans, puis disparaîtra. Son successeur sera le Bouddha Maitreya, l'amour qui vit dans la troisième jhana où il a été déjà couronné. Le dogme de la métempsychose admet aussi la croyance à la destruction du monde. Le monde, ou plutôt les mondes, n'existeront pas longtemps. Ils seront renouvelés. 3 puissances contribuent à leur destruction. Le feu, l'eau, le vent. Chaque destruction dure 100 000 ans. La terre sera détruite 64 fois, et le plus complètement par le vent. Voici ce qui se passe. Le vent renverse les mondes, les uns sur les autres, réduit tout en poussière et anéantit même cette poussière. Le vide et l'obscurité règnent partout. Seul le monde sans forme reste conservé dans la quatrième jhana et les divinités y appellent tous les êtres vivants menacés de destruction. Dans le vide naît le vent. Il forme des nuages, d'où surgit la pluie, qui remplit l'espace de la terre détruite jusqu'aux hauteurs de la quatrième jhana. De ce ciel se détachent des parcelles solides qui nagent sur l'eau comme des gouttes de graisse sur le lait. Ces parcelles du ciel sont le germe de la nouvelle terre. Par le vent, elles s'unissent et s'affermissent. D'abord, elles reproduisent les divisions du monde des formes, puis le monde terrestre, le mont Sumeru et la terre. Les dieux éthérés du monde sans forme descendent sur cette terre et y vivent en contemplation. Ils goûtent la liqueur enivrante d'une certaine source et sont transformés en êtres humains avec des passions, c'est-à-dire qu'ils deviennent querelleurs, colères, méchants. Le soleil, la lune, les étoiles reparaissent et le sol recommence à produire des fruits. Plus les nouveaux habitants jouissent de ces fruits, plus ils deviennent sensuels d'âme et de corps. Peu à peu, ils atteignent l'état de péché dans lequel les hommes vivent actuellement. Chaque durée du monde, Kalpa, a quatre périodes. La destruction, la continuation de la destruction, le rétablissement et la continuation du rétablissement. De nos jours, nous vivons dans la dernière période. Le péché augmentera de plus en plus jusqu'à ce qu'enfin l'homme ne passe plus l'âge de 10 ans, au lieu de 90, comme au commencement du renouvellement de la terre, et une autre destruction aura lieu. La 64e ne sera pas la dernière, car comme le monde n'a pas eu de commencement, il n'aura pas de fin. Ainsi parla le Gelung. Pour les bouddhistes, rien n'est éternel, excepté le changement que subit tout être. Au-delà, leur imagination s'arrête. Les choses de ce monde ont-elles un commencement et auront-elles un jour une fin? Qui a établi la métempsycose? Comment un homme peut-il, par son abnégation, toucher à la perfection divine, c'est-à-dire à devenir Bouddha? Comment Bouddha peut-il régir le monde, se trouvant dans le nirvana où il n'est rien et ne représente que le néant? De telles questions sont les mystères du bouddhisme. Fin du chapitre 17.